You heard the story? My own built-in radar guides me. No one else knows how it works besides me. You'll be kicking and screaming like a sickening demon when you're down on your knees and you're licking the semen. It makes me want to throw up when whack rappers show up. It makes me wonder when and if they ever gonna grow. Tortoli et Arbatax débarquent dans les années 90, pas les années 90. 90 bébé, sur Radio Panique. Salut à tous, auditeurs, auditrices. Salut à tous. C'est Tortoli et Arbatax en bonne et due forme. Radio Panique, 105.4, 18h-19h tous les mardis. Comme d'hab, ça va mon vieux? Très bien, j'ai l'impression qu'aujourd'hui on est encore sur une spéciale. On est sur une spéciale? Une spéciale 90. Une spéciale 90. Dis donc, Torto. Mais comment on y va? Comment on y va? Regarde ce qui est garé là devant. Yes. Pas dégueulasse, hein? Ah, la petite DeLorean. Pas mal. On y va. Cale le compteur sur 1992, Tortoli. Je t'emmène pour un voyage. C'est fait, Arbatax. Allons-y. Let's go. Regarde comme c'est beau. Ça y est, on approche. Nous y sommes. Ouais, c'est trop beau. On y arrive. On y est, je crois. Ça y est, on y est. Ça y est, on y est. From the mothership, out here brothers about to rip it on another tip. Slip, don't trip, check out how I do it. My niggas in the house, I turn your body get the fluid. As I come from the depths of doom. Yes, nous y voilà, on est dans les 90, les années 90. Ouais bébé. Vous nous rejoignez en plein début de spécial 90. Voilà, fini le foot, maintenant on passe à la vraie vie, la musique des années 90. Tout au long de l'heure, ça va être bien sûr en forme de classique. Voilà, mettez vos petits jogging à pression, vos chaussures 4. Mes Doc Martens. C'est Doc Martens. J'étais plutôt Doc. Ton petit sweat à capuche. C'était un shot. Comme tu sais le petit Bombers aussi qu'on avait à un moment donné avec le petit scratch. Exact, le scratch shot qu'on enlevait et qu'on se faisait piquer dans le cours de récré. Ah oh, putain, j'étais deg, ouais. Il y avait les pumps. Il y avait les Jordan, les pumps, les Reebok pumps, ouais, exact. Les LA Gear, là, avec la lumière sous le talon. Ah, celles-là, tu les avais. Ouais, je pas te toi. Les avais chourées. T'étais deg, hein. Bah, non. Bon, chourées, bien mais sûr, après, je te les ai envoyées dans le lac. Bien sûr, là, vous pouvez pas nous voir, mais bon, on a mis tout le. On a mis tout l'attirail. Niveau musical, bon, bah, bien évidemment, 10 ans de musique, on va pas pouvoir les faire en une émission. Donc. Comme d'habitude, on vous a sélectionné. Un peu comme d'habitude, la crème de la crème. On n'a pas du tout été objectif, on a pris que ce que nous on écoutait. Et ce qu'on kiffait. Ce qui nous a marqué. Et qui parfois traîne encore dans notre MP3. On aurait pu aller sur du Nirvana, mais on n'y a pas été. On aurait pu aller sur du quoi? Sur du Noirdez, on n'y a pas on été. On n'a pas été. Mais Jean-Jacques Goldman, on n'y a pas été. Voilà, on aurait pu aller sur Nene Cherry et Youssoundou. Ouais, Texas. Wes Alan. Oasis. Ouais, tout ça, non, vous n'aurez pas dans Florent Pagny, Jean-Jacques Goldman, on aurait pu aller sur nombre de sombres merdes. Bien mais sûr. On a préféré se calmer, puis se rappeler les premières cassettes qu'on achetait, voire les tout premiers CD, mais on était limite aux cassettes. Hein. On était limite aux cassettes enregistrées sur la radio directement. Je te copierai la cassette de l'émission et puis je te la refilerai après. Pas de soucis. Très bien, démarrons direct. Alors du coup ça part comment là? Ça part en sucette? Ça part par un rap un peu funky des années 90. C'est notre ami Ménélique qui chantait à l'époque Tout baigne. Ok, ça marche. Et puis parti. Après on ira avec un petit Inikamos, mais on aura le temps d'en reparler. Yes. Ménélique Tout baigne. Hey ya. Ouais, hein. Tout bête.

Chalalala, chalalala. Ah oh, merci, on va sur le chalalalalala. Voilà. Donc là tout de suite, ce qu'on écoute. Là, on vient de s'écouter les amis, Inika Mose, Here Comes the Hot Stepper, 1994. Et juste avant, c'était le bien-aimé et le bien-nommé Ménélik. Ménélik, ouais, exact. Et Tortoli, des infos. Sur Ménélik ? Oui. Simplement que à ses tout débuts, il a effectué des premières parties, notamment avec MC Solar, Claude MC Solar. C'est ça ! Dont il faisait partie d'un espèce de collectif qui se nommait Posse 501. Et voilà, il a fait des premières parties. 2006, ça a été sa révélation avec Tout Baigne. 96 encore. 96, pardon. Non, mais j'ai mal mis le compteur de la DeLorean. Moi j'étais en 2006, pardon. C'est ça. 96, donc c'était Tout Baigne. Il a également, souvenez-vous, les titres Bye Bye. Où je te dirai bye bye. Où je te dirai bye bye. Quelle aventure aussi. Quelle aventure également, que j'allais citer juste derrière. Et voilà. Après Ménélik, on a eu Inika Mose. Inika Mose qui est d'origine. D'origine jamaïcaine, j'imagine. Bien joué, bien joué, bien joué. Ah, chanteur raga des années 90. Ouais. Et ouais. C'est 94 pour lui. Hein. Une bête. Hein. Allez choper du son de Inika Mose, hein, ses albums et tout. Il a notamment été le premier à toaster sur le World Jam Redeem. Exact, donc, de Damien Marley plus yes, tard. Yes, qui a repris Damien Marley et tous, hein, tous. Tous l'ont pris, ouais. Yes, yes. Et voilà, c'est 1994. Here Comes the Hot Stepper. Juste derrière. On peut se mettre quoi ? Bah on se fait un petit tonton David. Ah, un petit tonton David. Hein ? Ah là, spécial. Tonton okay. David qui est d'origine ? Alors là, je n'avancerai pas. Je te pose une colle. C'est pas Bafana. Non. Arrêtons de parler de football là. Non, il est pas très loin, tu me diras. Je sais pas, les Yvelines. La Réunion. D'ailleurs, j'en platine pour les métropoles, les métros de La Réunion. Voilà. Ça c'est dit. Allez, on se fait un petit tonton David. Le titre s'appelle Chacun sa route. C'était notamment la BO de Souviens-toi, Mumicicu. C'est ça. Un indien dans la ville. Je te tire dessus avec ma flèche. Mumicicu. Comment elle s'appelait l'araignée là ? L'araignée s'appelait, je sais plus. À chaque fois que j'ai.

Tortolier Arbatax, les deux grosses mythes de Radio Panique. Wouh. Wouh, tu crois pas si bien dire. Nous y voilà. Juste avant, qu'est-ce qu'on s'est écouté? C'était Réglisse. Ouais, Réglisse. Et juste avant, je voudrais faire une reparenthèse. Tonton David, c'est une des premières radiocassettes qu'on a dû s'acheter, hein, mon petit Arbatax. Yes, ouais, et c'est peut-être aussi un des premiers films, un indien dans la ville que j'ai été voir au cinéma. Ouais. Enfin, c'est en tout cas que je me souviens, oui. Donc t'as essayé d'emmener des copines Ah bah ça branchait déjà pas mal à l'époque. Hein, Dis donc, ça te dirait d'aller voir un indien dans la ville avec moi? On passait chercher des bons becs. Ah, on serait sur un bug, on serait sur un petit bug derrière. Attends, donc voilà, c'était Tonton David avec le titre Chacun sa route, et juste derrière, c'était Réglisse. Réglisse, tu veux nous en parler un petit peu? Yes, Réglisse, en deux mots, Réglisse, règle de reggae. Bah, devine d'où ils sont originaires. Et Lisse, d'où? Lisse. Règle de reggae et Lisse de quoi? Comme leurs fesses. Lisse. mais ils viennent d'Occitanie, mon pote. Ah bah oui, ces mecs essayent de marier le reggae à la musique occitane en fait. Hein. C'était une dizaine de mecs en fait réglisse qu'ils ont démarré donc du côté de Montpellier. Tous dans une petite boîte. Voilà. Une petite boîte de réglisse. Voilà, c'est ça. Et puis voilà, c'est des petits morceaux qui passent bien quoi, qui se sucent comme ça quoi, bien. Comme le réglisse. Qui se déroule. Et puis bah Mets de l'huile, c'était leur seul tube quoi, on peut le dire, international quoi, qui a été numéro 1 au top 50 et c'était 93-94. Okay. Et on est toujours dans les 90. On traverse comme ça la décennie. Ok, donc je vous reconfirme qu'on est bien dans les années 90 et que c'est une spéciale 90s alors. 90s. Merci mon petit Arbatax. C'est cela. C'est bien aimable de ta part, mais trêve de 90. Passons. C'est l'heure. Ah putain, t'as regardé ta flic flac. Tu vois qu'il est 18h26, tu te dis. Ma Swatch était en panne, du coup j'ai pris ma flic flac, tranquille. Du coup c'est l'heure de. C'est l'heure de rebrancher sa flic flac. Ah c'est l'heure, mais oui c'est l'heure de l'agenda. L'agenda. Culturel. L'agenda. Culturel. L'agenda. L'agenda. Culturel. L'agenda. Culturel. L'agenda. Cul. Oh, ça suffit, c'est bon. C'est à toi, mon petit Arbatax. Oh non, là, tu me mettrais bien dans la panade si c'était à moi. Bah, pas de problème, je vais le faire. Y a pas de souci. Je te rappelle que tu as deux événements à présenter et pas plus. D'accord ? Il faut juste que tu me donnes ma feuille qui est bien planquée dans ton sac ou je ne sais où. Ah, ok. J'ai déjà un événement pour vous. Dès le 26 juin, c'est-à-dire samedi. Samedi et dimanche, en fait. Ça se déroule samedi et dimanche, 26-27 juin. Ça a lieu au Pink Ponk, l'espace Pink Ponk. C'est-à-dire, c'est un festival interplanétaire du fanzine, à savoir le 237e, mon petit ami. 237e. Combien ? T'es au courant ? 237e. Festival interplanétaire du fanzine, il y a des expos, des dédicaces et des réalisations de fanzine, notamment des workshops pour t'apprendre un peu à faire des fanzines. Toi qui apprécies un petit peu. Souviens-toi de nos amis de Fume ta moustache qui étaient venus nous rendre visite là il y a peu de temps. Joli. Ils vont participer tout comme Germaine Deluc. Je te le donne en mille, je t'en fais plusieurs. En mille, en 2000. Voilà, en mille, en 2000, en 90. Minette, le collectif L'Épisode, Jacqueline, il y a également Georges. Et voilà, bien sûr, nos préférés. Je t'en mets Chanana parce qu'on a que ça. Hein. Merci, Fume ta moustache. Voilà, 26-27 juin de 11h à 20h, c'est à l'espace Ping Pong. C'est à Saint-Just-en-Node, ouais. À savoir, juste à côté d'ici. Bah ici quoi, ici, dans le ghetto. Dans le ghetto de Soweto, Bafana. Ouais monsieur. Prends ça. Bon bah j'y serai là. J'ai un second point sur mon agenda culturel, un second tiret je dirais. Ouais. Voilà, hop, entrée, je suis déjà sur le deuxième tiret. Pas mal. Et on se retrouve où ? À Linéa. En vacances. Holidays mon petit. Holidays, je vais te présenter l'agenda du... Des vacances. L'agenda des vacances pour toi qui reste un peu à Bruxelles. Ça peut se passer ou si vraiment tu ne peux pas partir et également si tu... Oui, je vois que tu pèses tes mots sur... hein. C'est pas facile à parler de ça. Hein. C'est tabou à Radio Panique. Recyclard, ça se passe. C'est le mois de juillet, mois d'août. Le festival s'appelle Holidays. Il y aura en fait tous les jeudis et vendredis des soirées avec notamment des concours de. Je te le donne également en 90. De pétanque molle, voilà. Ah, de pétanque molle. Ouais, exactement. Il y a également des workshops guérilla gardening, donc c'est-à-dire en fait t'apprends à faire ta pâte pour planter tes graines de fleurs. T'apprends à faire ta pâte ? Ouais, c'est des pâtes. De la pâte. De la pâte ? Oui, de la pâte. Pour planter des graines. C'est une mixture un peu spéciale qui fera de toi un écologiste urbain numéro 1. J'ai des petits problèmes dans ma plantation. Il y aura également le photomaton. Bien sûr, les mois de juillet et août seront ponctués tous les jeudis et vendredis par des concerts. Yeah. Et notamment celui qui est un des plus attendus. Bon, il y a certes ce vendredi, il y a Milanaise, c'est-à-dire la nuit de la planète Mu. Concert au Recyclard. Et il y a Omar Souleyman, tu sais très bien ce fameux ambianceur d'Egypte, venu d'Egypte, il me semble. Oui, j'imagine. Et ça se déroule le... Attends. Non, mais j'ai bien noté, le 9. Le 9. Le 9 juillet. 9 juillet. Voilà, donc tous les jeudis et vendredis, vous retrouvez des concerts au Recyclard. Il y a toutes sortes d'animations, notamment un four à pain public où tu peux ramener ta pâte et faire ta pâte, etc. Je crois que c'était fait pour planter des graines, la pâte. Il y a aussi je ça, les plus. Pâtes. Moi, je comprends plus, je lâche l'affaire. Et il y a aussi des concerts concerts et DJ. Ça se déroule, ça commence ce week-end et ça va jusque fin août. Téléphone dans les studios de Panique. Oui, c'est la panique. C'est Panique. Voilà. Auditeur, si c'est toi qui appelles, tu peux essayer de rappeler. Tortoli vient de raccrocher. Il a pas fait exprès. Riri, Riri, Fifi et Loulou. Mon petit Herbatax, tu vas nous faire un petit mix des familles. Un petit mix des familles. Allez, ouais, sachant on tente qu'on est toujours dans les années 90. Alors vas-y, surprends-moi. Enfin, mets-moi mes vieux tubes là où j'enroulais sur la piste. Ah ouais, allez. Mes premières booms. Mettez-vous tous en cercle. Vas-y. Écoute. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it. I love how all girls are move them body. And when you move your body, on a move it nice and this deep. Is the rhythm of the night. The night. Oh yeah. The rhythm of the night. This is the rhythm of my life. My life. Oh yeah. The rhythm of my life. Morning. I'm a scat man. Skibbidi-bidi, yum da da da. Yum da da da. Skibbidi-bidi, yum da da da. Yum da da da. I'm a scat man. Yum da da da. Yum da da da. Skibbidi-bidi, yum da da da. Yum da da da. Everybody stutters one way or the other, so check out my message to you. As a matter of fact, I don't let nothing hold you back. If the scat man can do it, so can you. Everybody's saying that the scat man stutters, but does and never stutter when he sings. But what you don't know, I'm gonna tell you right now that the stutter and the scat is the same thing. Yo, I'm the scat man. Where's the scat man? I'm the scat man. Why should we be pleasing any politician? Reasons would try to change the seasons if they could. The state of the condition insults my intuition, and it only makes me crazy and hard like wood. Everybody stutters one way or the other, so check out my message to you. As a matter of fact, don't let nothing hold you back. If the scat man can do it, brother, so can you. I'm the scat man. Everybody stutters one way or the other, so check out my message to you. As a matter of fact, I don't let nothing hold you back. If the scat man can do it, so can you. I hear you all ask about the meaning of scat, while I'm the professor and all I can tell you is while you're still sleeping, the saints are still weeping, those things you call dead haven't yet had the chance to be born. I'm the scat man. Where's the scat man? Waouh! Pas mal ce petit mix à Arbatax là. Merci hein. Tu m'écoutes quand je te parle, espèce d'enfoiros. Est-ce qu'il se boit fieux? Dis-moi, il est l'heure, hein. Parce que voilà, t'as fait un beau mix et tout, mais maintenant, moi, j'ai envie de te voir à l'œuvre, dans tes compétences journalistiques, à savoir l'heure de l'agenda. L'agenda Turel, l'agenda culturel. 18h37, Arbatax, c'est au micro. prenez peur, cher auditeur. Encore un agenda Q bancal cette semaine, si j'arrive à le déchiffrer. Alors. Donc mes pigistes. Il faut bien dire qu'il y a des stagiaires qui travaillent pour toi, voilà. Qui te font tes agendas culturels. Et je viens de recevoir une dépêche de pigistes qui ont bien bossé à côté. Et donc je vais baisser le son derrière pour mieux qu'on t'entende. Oui. Parce que les informations vont être essentielles à mon avis. Écoute, ça va guider mon week-end. En premier lieu, Couleur Café ce week-end. Donc ça, je pense que personne n'a oublié. Donc pour tout ce qui est programmation, etc., il y a le site, il y a Facebook, il y a tout ça. De toute façon, on a fait une émission spéciale qui est réécoutable sur notre Facebook à nous, Tortelier Batax. Il y a le lien. Ça meuble très bien, voilà. Tu meubles très bien. Voilà. Donc Couleur Café, 3 jours, 25, 26, 27. Si vous êtes en galère de place, petit conseil, sur le Facebook de Couleur Café, il y a plein de gens qui viennent chercher et vendre des places. Donc, oui, parce que c'est déjà, si vous êtes en galère, allez faire un tour là-bas. C'est déjà complet apparemment. Ah ouais, c'est complet apparemment, ouais, c'est bien. Même les tickets à l'unité seraient déjà quasiment tous vendus. Ouais, sur deux jours sur trois, ouais, je crois. Donc il y en a qui vont pas se faire Couleur Café, mais qui vont se faire... Café au lait. Qui vont se faire autre chose. Et c'est pour ça qu'on intervient. Avec un agenda culturel. Et qu'est-ce qu'ils vont faire, mon petit Arbatax? Bah alors attends, donc si, je n'ai pas le prix, je n'ai pas la date. Mais on m'annonce qu'il y a une soirée Didgeridoo. Ça, c'est original. Et le mec s'appelle Master Didgeridoo, de son vrai nom Andrej Smekal. Enfin, de son vrai nom. enfin à l'Arbatax quoi, Ondrej Smekal, et il est annoncé comme l'un des meilleurs DJ douristes d'Europe, et ça se passera au Centre Culturel de Skarbek. Tortoli, la date? Je te l'ai noté, enfin pardon, le stagiaire te l'a noté, oh là là, c'est le 25. C'est le 25, voilà. C'est le 25 juin, c'est à savoir vendredi. Vendredi. Et en fait, je peux... C'est 10 euros à peu près, quoi. Non, c'est 15. C'est 15, 3 fois 5. C'est ce que t'essayes. Dommage que t'aies pas 3 mains, parce que ça aurait fait 15. Moi, je te disais bonjour. Ouais. C'est 15 en pré-vente et 20 sur place, au Centre Culturel de Skarbek. Ok. Voilà, les masters de didgeridoo. Voilà. Non mais c'est bon, tais-toi. Non, tu vas pas me faire. Oh vivement que tu m'annonces le prochain agenda culturel. Qu'est-ce qui va se passer autrement? Et puis bah attends, il y a quand qu'est-ce même. Qu'on peut faire? Il y a quand même au Fuse dès ce soir une soirée qui s'appelle. C'est scandaleux. Là, il va falloir. Explique-moi. Bah, je sais pas. C'est à partir de 23h ce soir. C'est 10 euros. Et au Fuse, il y a. Toxic Avenger. Toxic Avenger, ouais, c'est quoi? C'est un DJ, je pense. Et puis, je suis assez impressionné sur le nom du deuxième DJ, La Tourette. Donc, on serait sur un DJ qui s'appelle La Tourette. Oui, j'imagine qu'il s'appelle Gilles. Non, on l'invite, voilà. Gilles, je pense, parce que La Tourette, c'est quand même sympa. Mais peut-être qu'il essaie de faire une blague, tu sais? Il est rapide de ses doigts, du coup, un peu avec des tremblements. La Tourette, c'est plutôt. La Tourette, c'est pas les mecs qui insultent. Voilà, sans s'en rendre compte. Voilà, connard. Hein, connard. Ok, d'accord. Donc, c'est où cette soirée? Ça se passe quand? Je t'encule. C'est, c'est au Fuse ce soir, 10 euros. Apparemment, il y a un dress code. J'ai pas plus d'infos, mais tu peux te faire recaler si t'arrives en pump. Ah, ok, mais. Ouais. Peut-être La Tourette, ça serait un syndrome aussi à Nelcar. Ah oui, bah voilà, voilà. Mais oui, mais c'est ça. Et d'ailleurs, il aurait pas dû être viré. En fait, c'est une maladie. Ah oui, c'est une maladie, le pauvre. Il balance des insultes comme ça, mais... Putain, mais... Mec, toi aussi, avec ta maladie, enfin, on t'a rien dit, quoi. T'es sélectionné à la radio, mais ouais. On va pas t'exclure. Ça risque pas d'arriver à Hugo Loris, non? Il a pas de bouche. Bon, désolé. Voilà, donc l'agenda Q bancal, agenda Q en mousse cette semaine. Parce que franchement, il fait beau. Et moi, j'ai envie de vous dire qu'il y a aussi les apéros urbains vendredi. Tiens, j'y pense. Voilà. Et puis voilà, profitons du beau temps. La semaine dernière, c'était exécrable. Donc, d'ailleurs, je remplacerai à la limite mon agenda culturel les prochaines fois par carrément la météo. Merci. Ça sera plus complémentaire. Attends, je reçois un petit. Ça fait voilà. Plaisir. Mais tu veux peut-être la playlist de la et semaine dernière. Et Martha nous annonce qu'il y a un barbecue chez elle à 20h ce soir. Chers amis, voilà. Ça fait bien plaisir. En attendant, on peut quand même se mettre un peu de son. Voilà, allez, on revient dans les années 90. On remonte dans la DeLorean. Et on repart sur, moi je dirais, un truc le plus groovy. Oh, il me pique ma feuille, salaud. Le plus groovy des groupes français, quoi. Alliance Ethnique. Ouais, avec Kamel, son leader. Kamel, qui était au départ MC, quoi, avec DJ. Je veux pas retrouver son nom. Bah voilà, ça servait bien. Un DJ français qui était DJ Maze, je crois. Cut Killer, je crois. Non, c'était pas Cut Killer. C'est un DJ français connu. Et ils ont démarré tous les deux ensemble. Ils allaient au World DMC, au championnat de DJing à Londres. Il y a que lui qui est revenu. Si vous regardez sur YouTube les vieilles vidéos de 93-94, t'as Kamel qui fait un peu le beatboxer, le MC. Mais à l'époque, c'était vraiment différent. À l'époque, c'était différent. Voilà, donc non, on va se faire un petit Alliance Ethnique, simple et funky. Je pense que ça, tout le monde sera d'accord c'est avec ça. C'est assez simple et assez funky. Ça peut le faire. Kamel. Je mets ça en route. Et juste après, on aura quoi? Bah juste après tu le vois très bien sur ta fiche. C'est Diana King. Attends, on va régler ça. Shagai. Tout de suite, Alliance Ethnique, simple et funky. Vous corrigez votre attitude, il en était bien. Un élément déterminant, mais non, mais non. Mais non, mais non, non, non, mais non, mais non, non. Oui, vous pensez, ah, oui, vous savez, ah, oh. Mais peu importe, vous demeurez dans cet état où l'esthétique demeure à vos portes. Stop, je vise le naturel, détruis l'artificiel. Ce point de vue, reste personnel. En d'autres termes, celui de qu'un point met le ciel. Dire que certains ignorent les bienfaits de leur propre personnalité mieux vaut pire. La spontanéité reste mon propre point de mire. Pire, pire, ce dont la langue, dans notre activité, que de s'agiter dans le vent. Non, si, oh, oui, cela même je l'ai, non, ouais, non, non, non, non, même pas. Simple funky, simple funky, simple funky.

oui, c'est nous les Pinky Poo. Nous sommes tout ronds, nous sommes très beaux. Miam, miam, miam, miam. Oui, c'est nous les Pinky Poo. Nous sommes au lait, on va vous faire. Miam, miam, miam, miam. Oui, oui, oui, les enfants nous adorent. On a plein de nous, ils en sont fous. Miam, miam, miam, miam. Oui, oui, oui, c'est l'invasion de Pinky Poo. Pinky Poo, ouvrez la coque, c'est du lait qu'on croque. Miam. Miam, t'es bon. Yes, I. Excellent. Donc juste avant, c'était, enfin juste avant les Pinky Poo, il y avait Diana King. Diana King, ouais, Shy Guy. Shy Guy avec Diana Ross. Non, non, non, Diana King, c'est une nana hein, qui a fait des morceaux avec Shabarinx, début des années 90, le début du raga. Très bien Diana King, hein, j'adore. Shy Guy. Très bien d'ailleurs. Lord of Mercy. Ce titre Shy Guy, c'était issu de la BO de Bad Boys avec Will Smith. Et puis l'autre, je ne sais plus là. Comment il s'appelle ? Attends, mais tes infos, c'est comme ton agenda culturel, quoi. C'est aussi scandaleux, quoi. Couleur café, y'a personne ? Horrible, c'est vrai. C'est vrai, c'est complet ? C'est vrai. Qu'est-ce que t'as annoncé ? Au Fuse, on n'a pas compris ? Non, non, je pense que ça donnait pas trop envie. C'était quoi l'autre ? Ouais, les apéros urbains, on n'a pas su ? Non, on sait pas où c'est, moi non plus, je sais pas où c'est. Ça doit être quelque part entre Scarbeck et Anderlecht. Le didgeridoo. DJ Ridou, si, ça c'était un peu calé quand même. Ça, on a eu le prix, on a eu le lieu et on sait que c'est vendredi. Ok. Au Hall de Scarbeck. Donc ça c'est. Non, je non, pense non. que. Tu peux pas me contre... Non, tu peux pas me critiquer là-dessus, c'est le moins critiquable. C'est le centre culturel de Scarbeck. Non, là t'es une mauvaise fois. Pas... Après, on peut taquiner, on peut jouer sur chaque. Mais j'avoue que c'était une catastrophe, là j'ai complètement coulé dans cet agenda culturel. Ton agenda Q était à peu près à l'image de la Coupe du Monde de l'équipe de France. Je sentais que t'allais me... Voilà, bah oui, c'est vrai. Voilà, et d'ailleurs je crois que... Tu vas me renvoyer François Feldman, petit Franck. Ah ouh, on vous laisse passer ça c'est vrai. Ça aurait pu être pas mal, ouais. François Feldman, ouais, ça on a oublié celui-là. Qui avait composé ce morceau Petit Franck, en hommage à Franck Ribéry. Pleure pas Petit Franck. Après son aventure avec Zaya, ouais. Il y avait une histoire comme ça. Ou pas. Ou pas. On se refera des émissions 90. Mais pour l'instant, il nous reste encore quelques minutes. On a bien deux morceaux à se passer. Ouais, ouais. Bon, je dirais qu'on est déjà en approche du classique. On est sur un pré-classique. On est sur un pré-classique, une mise en bouche du classique. C'est déjà IAM et la FF qui avaient effectué leur titre Bad Boys de Marseille. Bad Boys de Marseille, un big tune. Big, ça aussi, big tune. C'était une BO, il me semble, de Taxi ou un truc dans le genre. Bah, c'est-à-dire que le film Taxi est arrivé 8 ans après, mais sinon, ouais. Taxi 1, attends. Ah, Taxi 1, quoique, ça commence à remonter. T'as pris ton taxi en retard, apparemment. Tu l'as pas payé, t'es parti en courant. Oh, t'es vexé, ma poule. Tiens, là, 10 balles. Bon, allez, on se met un peu dans l'ambiance soleil, Marseille. Comme ça, vous avez toujours une grande gueule, ouais. Viens sur l'autoroute. On va te faire fumer ta BM. IAM. Tortoli canaille. La vie est courte, les délices du bonheur substantiel. La mort frappe l'oiseau, assassiné en plein ciel. Les sœurs collaborant, emporter des fois les corps. Le bad boy sort quand le port au nord s'endort encore. Mourir à 30 ans, passer du bon temps. L'angoisse casse l'enfant, fait du frère un type arrogant. Assuré de voir un autre jour sous les coups, je peux quand même apprécier un coucher de soleil comme vous. Restez lucide si les soucis troublent ma raison. Quand des tours de béton s'érigent à l'horizon. Mais vraiment c'est drôle, ma philosophie est à l'insol. S'élève vers les yeux pour replonger plus tard vers le sol. Vision de cauchemar, noir désert du savoir. Voir l'enjeu déchu, ma mise sur le purgatoire. Croire en soi, rien de nouveau sous le soleil. Tu reconnais bien là le style des bad boys. J'entre dans la danse, gosse de plus siège à la table des hautes instances. Un accro du micro qui fera mal à ta tête. Prends un aspro et laisse faire les pros. Magic Marseille. Non, tu sais que dans ma ville des MC déchirent. Multiplier notre empire, graver notre musique dans tes souvenirs. Faire le mal car dorénavant la famille sort ouais. du côté obscur. Sûr de t'avoir à l'usure gazier. Façon Luciano dans la légende, l'indomme des antres. Arme blanche branchée, laisse des traces aux intrus. Yo le rat, fracasse les estras sur instru. Dans la rue, les combattants serrent les rangs. Fier même sans un franc, oublie la frime qu'on prend. J'avoue mes rimes comme des cerfs. En grand, on peut y noyer dans la masse. Les rapaces manquent d'espace et se tirent dans les pattes. Fais place aux bagarreurs du mic. Ici c'est Mars, surface rousse, la population panique. Histoire tragique, atmosphère tendue, volcanique. Linge pendu, mur sali, boss trafic. Tape au cœur de l'Asie, automatique de Mars. Tempérament fatigué, on est né sous le soleil. Tu reconnais bien là le style des bad boys. Chaque jour que Dieu fait, à trois heures j'ai encore sommeil. Tu reconnais bien là le style des bad boys. Relevé, poste à fond, du bon son dans les oreilles. Tu reconnais bien là le style des bad boys. Et le soir tard, les renards se ruent sur le zèle. Tu reconnais bien là le style des bad boys de Marseille. Mon enfant bébé, sur Radio Panique. Tortoli et Arbatax débarquent dans les années 90. Pas les années 90. 90 bébé. Sur. Yeah! C'était très bon. C'était très bon. C'était. Ayam et la FF. Ayam et la FF. Bad Boys de Marseille. Que on vérifiera plus tard. Hein. Envoyez-nous vos infos également sur le. Sur le Facebook, sur le Gmail de Tortoli Arbatax. T'es encore sur ton histoire de. Est-ce que c'est un taxi? Si c'est la bande originale ou non, quoi. Voilà. C'est ça que je voulais te dire, mon petit Arbaton. Voilà, on approche tranquillement de la fin de l'émission. Bon, je peux te dire qu'on a un peu piqué les ondes pour se faire plaisir là-dessus. C'est vrai que sur celle-là, Tortoli, on s'est un peu fait plaisir. Sur celle-là, sur cette bière-là ou sur cette émission. Sur cette émission, pardon. Ouais, exactement, ouais. Mais on s'est fait plaisir, mais en même temps, c'est notre enfance. Hein. Souviens-toi, les premières cassettes qu'on achetait, Les premiers nanas que t'as enroulés. Les garages qu'on a squattés. Les dessous d'obettes, voilà, les obettes de bus. Ah ouais. Pas, c'est des meilleurs. Quoi. Les obettes de bus ? Ouais. Tu en feras une émission là-dessus parce que là, tu m'intéresses. Les obettes. Les arrêts de bus, quoi. Oui, voilà, bah, on dit obettes aussi dans mon quartier, quoi. En fait, rendez-vous à l'obette, bébé. Est-ce qu'ils vont faire Interville cette année ou ils ont arrêté ça ? Je croise les doigts, ouais, j'espère. Parce que Chiabodo apparemment serait ressenti pour refaire des coups de triche. Bon voilà, on s'est fait plaisir, bien sûr, on en a 10 000 à refourguer des morceaux comme ça et on fera peut-être quelques émissions encore là-dessus, hein. On verra. Il y a une tendance qui se dégage. Là, on voilà. sera sur ouais. des sondages Ipsos Sofres. Il y a une tendance très nette que je vous dirai à 20h. Très bien, les résultats à 20h. Les résultats à 20h. En attendant, on va vous souhaiter une bonne soirée. On se donne rendez-vous la semaine prochaine à 18h. Failli oublier l'horaire. Pour la dernière émission. J'ai l'impression que ah ouais, c'est peut-être le bouton. Tu me coupes carrément le. Je te coupe ou on se coupe? Merci, et on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour la dernière émission de Tortoli Arbatax. Si tu veux pas mettre de son, c'est comme tu veux. Mon agenda culturel sera travaillé de chez travailler. D'une autre façon, j'espère, ouais. Mais c'est pas grave, on peut parler sans son dessus. Hein. Juste pour vous comme dire Véronique. Que le. Ouais, Véronique sans son. Bonne vanne. Juste pour vous dire le dernier son qu'on va vous passer, le classique des classiques. Il se nomme Panjabi MC. Tu veux un petit peu parler dessus? Vas-y, on peut parler un peu dessus. Il parle tranquillement. Il part tranquillement. Punjabi MC, qui est le Punjabi à la base, c'est la langue parlée au Punjab, en Inde et au Pakistan. Voilà, une région de l'Inde et du Pakistan. Punjabi MC, il a été connu notamment en 98-2003. Parce qu'il y a eu réédition de son album avec Jay-Z. Voilà, c'est ça. Sur le titre Mundian to Baki qu'on entend derrière. Et voilà, ça a été issu d'une pub aussi un peu dégueulasse. Voilà. On vous souhaite une bonne soirée sur Radio Panique. Bon festival Couleur Café ce week-end à ceux qui y seront. Bonne bière à ceux qui la boivent. Et puis bah voilà. Salut voilà, Tortoli. On se met bien. Au revoir Batax. Salut. J'adore votre agenda culturel. Ah. ਨਾ ਹੋ ਨਾਰਾ ਵੀ ਸਹਾਰਦਾ J'y retourne par la pensée et je